D-Mark got the heat on. Et c'est sincère, la concu ils sont rincés. Faire de la mal à quoi ça sert? Et je fais le sourd, dans le quartier je connais ta soeur. Elle donne ses fesses au lieu de son cœur. Dans une descente, on s'était tous fait laver. Pourtant j'avais pris ma douche, le flow tu l'as. Mais je sais pas si tu l'avais, tes loupous seront remplis de tâches. Et je me sens seul, il m'a sali ce salaud. À cette heure-ci j'écris mon texte au salon. J'ai pas de pote, devant le créateur je serai solo. T'as voulu m'allumer, la disson sera salée. Et tu te rappelles, on était petits, on savait que mentir, trouver des disques. Quand il pleuvait, des trous sous la chaussure. Et je suis sûr que l'eau rentrait dans nos baskets. Et c'est réel, pas de baratin. On s'introduit devant ta baraka. On n'avait pas l'intention de le braquer. Avoir des explications, dis-moi qu'est-ce t'as. Dis-moi qu'est-ce t'as. Tu reviens me voir, casse-toi. Tu reviens me voir, casse-toi. Ne reviens pas, oui c'est toi qui as fauté. Les keufs nous prennent en photo. J'ai mon capri sonne, c'est bon, je suis stèle. Les citoyens se battent contre le système. T'es pas mon pote, rien ne sert d'insister. Moi je pense qu'à l'argent, me demande pas si je t'aime. Et là je suis frais, genre du bâtiment. Je fais les choses calmement. J'ai pas d'amour à donner à toutes ces dames. La seule restera ma maman. J'ai mon capri sonne, c'est bon, je suis stèle. Les citoyens se battent contre le système. T'es pas mon pote, rien ne sert d'insister. Moi je pense qu'à l'argent, me demande pas si je t'aime. Et là je suis frais, genre du bâtiment. Je fais les choses calmement. J'ai pas d'amour à donner à toutes ces dames. La seule restera ma maman. Deuxième couplet, c'est un complot ou quoi? Là de ma tête, je vais saturer. Arrête le peurage, je vais lâcher ou pas? Ma mère se serrait la ceinture. Et je me sens seul, y'a des gens qui m'aiment pas. Pourtant, je les calcule même pas. Mais à part ça, ta reçue, elle est bonne comme la compo du Barça. Y'a que pour la monnaie que j'ai des sentiments. Dans la galère, ça compte les sentiments. Je connais des maçons qui travaillent dans le bâtiment. Ils font tout partir et tout ça tranquillement. C'est triste à dire. C'est triste à dire que la concu est lamentable. Je veux faire du cash, que du cash, il le faut pour au moins avoir la vie stable. Évitons, oui, évitons. Moi, je veux éviter les préjugés qu'on a. Moi, je traîne avec des Arabes, des Renois. Le racisme, on n'a jamais connu ça. Quand tu sais pas ce que j'ai vécu, mon père est tombé trois fois dans le coma. Le pire, c'est que je sais même pas comment. À cause de lui, je suis devenu un vrai connard. J'ai mon capri sonne, c'est bon, je suis stèle. Les citoyens se battent contre le système. T'es pas mon pote, rien ne sert d'insister. Moi, je pense qu'à l'argent, me demande pas si je t'aime. Et là, je suis frais, genre du bâtiment. Je fais les choses calmement. J'ai pas d'amour à donner à toutes ces dames. La seule reste à ma maman. J'ai mon capri sonne, c'est bon, je suis stèle. Les citoyens se battent contre le système. T'es pas mon pote, rien ne sert d'insister. Moi, je pense qu'à l'argent, me demande pas si je t'aime. Et là, je suis frais, genre du bâtiment. Je fais les choses calmement. J'ai pas d'amour à donner à toutes ces dames. La seule reste à ma maman.